de soccer, évidemment, l'année est terminée. On est dans les bilans un petit peu partout. Maintenant, on fait le bilan ce qui a trait l'ARS. L'ARS, c'est le regroupement du soccer régional qui est situé à Ville-Saguenay, plus précisément à Jonquière. Est-ce qu'on a connu une bonne année au soccer d'ensemble au sein de l'Ac-Saint-Jean? On en parle avec le directeur général de l'ARS, Marc-André Leblond. Bon après-midi, M. Leblond. Bonjour. M. Leblond, est-ce qu'on a connu une bonne année? Oui, on a connu une bonne année. Si c'était pas de la pluie, ça aurait été bien meilleur. Parce que cet été, on le sait tous, hein, il y a plus une grosse majorité des jours. Il y a plusieurs terrains qui ont dû être fermés à cause de l'accumulation d'eau. Puis il y a beaucoup de terrains qui sont très endommagés, justement, à cause de la pluie récente. Ah, et monsieur, tant que ça? Ils ont au moins 7 ou 8 terrains qui ont été quand même très endommagés. Ça, c'est sûr qu'on sait. Okay. C'est sûr qu'il y a certains clubs qui nous ont peut-être pas avertis, mais il y en a plusieurs qui ont été endommagés. Mais par exemple, le reste, ça s'est quand même très bien passé. Les jeunes ont joué, ils ont eu du plaisir. On a un petit peu plus de membership que l'année dernière. OK. Est-ce que les normes, lorsqu'on parle de terrain endommagé, j'imagine qu'il faut réparer par la suite. Lorsque les gens réparent, est-ce qu'il y a une personne de l'ARS qui vient pour vérifier si tout est aux normes de l'ARS? Tout dépendant des réparations. Okay. Tous les terrains, ou du moins la plupart des terrains au niveau régional, ils ont déjà été évalués puis autorisés à recevoir des compétitions dessus. Mais on repasse pas après chaque réparation, parce qu'une fois que les terrains sont sanctionnés, les grandeurs qui sont considérées comme sécuritaires, après ça, ce n'est que de l'entretien de routine. C'est principalement le gazon qui est endommagé avec tout le monde. À certains endroits, il y avait des lacs sur le terrain. C'est vrai que c'était une année de putain terrible. Au niveau, vous avez mentionné le membership, une petite augmentation. Est-ce que c'est énorme? Non, c'est en bas d'une centaine de joueurs de plus. OK, OK. On voit que le baseball revient un petit peu, reprend un petit peu du poil de la bête dans la région. Est-ce que ça a un impact sur les diminutions également, ou sur vous avez dit qu'il y a eu une augmentation du membership, mais sur la progression, est-ce que ça freine la progression, le fait que le baseball revient? Plus ou moins au courant, j'ai pas vraiment les chiffres s'il y a vraiment des joueurs qui nous ont quittés pour pratiquer un autre sport comme le baseball. Okay. Je pourrais pas vous le dire, il est peut-être un petit peu trop tôt pour ça présentement. Au niveau des performances, est-ce que dans l'ensemble, est-ce que on a quand même fait de bonnes figures de la région là-dessus au niveau des performances, niveau sur le terrain? Absolument. Au niveau régional, les clubs, comme à chaque année, il y a des clubs qui ont mieux performé, il y a des clubs qui ont moins bien performé, puis il y a des clubs qui ont performé selon les années précédentes. Okay. C'est sûr qu'au niveau, si on s'en va au niveau provincial avec la Ligue de soccer Nord-Est, c'est pas encore terminé, mais on devrait avoir des représentants de notre région qui vont aller au championnat de fin de saison en Europe. Est-ce que c'est trop de bonheur? Parce que ça fait quand même 2 semaines que la saison est terminée dans la plupart des ligues. Est-ce qu'on peut considérer que c'est trop... Moi, je pense que ça pourrait se rendre jusqu'à la fin du travail. Est-ce que c'est une possibilité qu'on pense du côté de l'ARS de peut-être prolonger ça? Oui, c'est une possibilité qui est évaluée. Mais ce qui devient compliqué, c'est, comme vous le voyez, cette semaine, le cégep a commencé. Et puis, il y a beaucoup des jeunes de notre région qui la quittent pour aller étudier à l'extérieur. C'est principalement ça, le problème. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui partent étudier. Il y a beaucoup d'arbitres qui partent étudier. Et ça nous laisse en déficit. OK. Au niveau des bénévoles, la recherche de bénévoles pour assurer un bon suivi des entraîneurs, est-ce que ça s'est bien fait en général dans la région? C'est très bien fait en général. C'est sûr qu'avec la quantité de bénévoles qu'on a de besoin, ça peut être difficile par année. Mais cette année, j'ai pas entendu personne qui a eu de la difficulté à se trouver des bénévoles. Ils ont travaillé fort, par exemple, pour combler leur poste et pour trouver les entraîneurs qui avaient besoin. Marc-André, si on parlait maintenant de ce qui s'en vient, évidemment, on parlera pas de l'été prochain, on va parler tout de suite de cet automne. L'ARS focus beaucoup là-dessus pour qu'on pratique du soccer 12 mois par année. Le soccer intérieur, est-ce que on s'attend à une petite progression de ce côté-là aussi, non? Là, Il est encore très tôt. Moi, j'ai des rencontres avec les clubs dans deux semaines pour vraiment parler de ça et puis débuter, savoir c'était quoi les besoins puis où est-ce qu'on s'en va avec la Ligue intérieure 2015-2016. On est vraiment juste entre les deux. Là. On termine l'été, on fait les bilans, puis tranquillement, on prévoit la Ligue d'hiver. Mais j'imagine que ça risque d'être semblable aux années dernières, la participation. On est quand même bien limité par la disponibilité des gymnases. Sur notre OK, le haut du lac, c'était pas facile. C'est plus développé du côté du Saguenay que du haut du lac. Est-ce qu'il y a une amélioration de ce côté-là maintenant pour les différentes ligues intérieures? Oui, c'est toujours aussi compliqué. Le problème, c'est vraiment l'accessibilité aux installations comme des gymnases et puis la disponibilité de certains entraîneurs et bénévoles en hiver. Okay. Il y a beaucoup de bénévoles qui donnent énormément de temps en été puis qui ont un petit peu plus de difficultés parce qu'ils s'impliquent peut-être dans d'autres sports ou ils ont d'autres activités en hiver. Fait que c'est quand même assez compliqué. Mais depuis deux ans, le club de soccer de Saint-Félicien, il joue dans nos ligues et puis il peut recevoir chez eux. Ah, OK, déjà. Quoi, au cégep de Saint-Félicien, quoi? Oui. Oui, on s'en va jouer. Je crois que c'est au cégep de Saint-Félicien ou à la polyvalente des Quatre-Vents, plus précisément, où ce que Saint-Félicien peut recevoir des équipes. Maintenant, si on parlait au Saguenay, il y a quand même un projet actuellement d'un complexe multisport. Ça aussi, ça va améliorer, j'imagine, le soccer en salle l'hiver, ça? Absolument. Présentement, pour le soccer d'hiver, on est vraiment limité par la disponibilité des gymnases. Okay. Mais c'est sûr que si on a accès à un centre de soccer intérieur qui nous permet de jouer toute l'année, nous, ça va nous faire plaisir d'embarquer là-dedans et puis d'avoir accès à une de ces installations. Est-ce qu'on a un retard considérable comparativement aux autres régions? Du côté du soccer intérieur? Au niveau du soccer intérieur, okay. Oui. On est une... c'est Ville-Saguenay, il me semble, c'est une des dernières municipalités de cette grandeur-là à ne pas avoir de complexe intérieur. OK. Ben, Marc... Oui. À ce point-là. Marc-André Leblon, un gros merci. Félicitations pour votre année encore une fois à l'ARS, puis on va se reparler au moins une fois par année. Marc-André Leblon, le coordinateur du regroupement du soccer au Sénélec Saint-Jean.